Ouais, cette putain de délateur, hein? Lorsque Roanoke et Atlas se sont fait pécho, tu vois ce que je veux dire? On a gardé notre droit de silence, tu vois ce que je veux dire? Petit PD, hein? On a laissé les avocats, ces baveux professionnels, faire leur travail, tu vois ce que je veux dire? Avec ta grande gueule, arrêtez de vous incriminer, tu vois ce que je veux dire? Vrai blanc font vraie chose, pas comme ton cynique. Vrai négro font vraie chose, pas comme ce corneille. Vrai blanc font vraie chose, j'exporte hydroponique. Vrai négro font vraie chose, n'importe la cocaïne. Chaque soir vous rêvez à Atlas, le seul blanc connecté à Queensbridge, officialisé par gangster et gentleman. J'en amènerai 10 dans ma tombe, avec mon enveloppe de chair de ses deux sangs, qui fait son temps en attendant que ceux en haut de la pyramide me donnent gloire et pouvoir, car mon intégrité est irréfutable, traversant enfer et désert pour mon roi et non. Je le jure sur la Bible, monsieur le juge, mais je refuse de témoigner, même enchaîné derrière le rideau de fer, le baron arien, le chevalier blanc, gangster, le gentilhomme, l'Olin de la loyauté, alors que mon parrain maintient l'importation de tonnes d'or dans les corridors africains. Main sur vos calibres quotidiens, l'hélicoptère en plus d'une lance roquette israélien de conception allemande, et que de mon côté à QBC la demande pour ceux qui poussent à l'intérieur dans mon cerf augmente quotidiennement. On échange contre armement et écailles de boisson de la Colombie. La fin du monde comme on le connaît, louange à la guerre, donc moins de paix. J'ai lu entre les lignes des signes annoncés, j'ai compris, je suis né pour trafiquer. Vrai blanc font vraie chose, pas comme ton cynique. Vrai négro font vraie chose, pas comme ce corneille. Vrai blanc font vraie chose, j'exporte hydroponique. Vrai négro font vraie chose, n'importe la cocaïne. Pompe ma mère dans ton HLM, point octempreur, le braqueur, le noir et entrepreneur, la terreur, ton cauchemar, le mitrailleur, le flingueur, c'est plus négro. Noir en plus peur de ces gros fusils de couleur noire. Je siphonne le champagne et inverse pour les morts. Tupac, Bengali et Big Punisher, libérer le connaisseur, libérer Smurder. Dans mon pantalon, le Hank and Ruger, prêt à exploser la tête de mes adversaires. Pour les kilos de cocaïne, on opère, vous laisse tous morts. Tant que Atlas me fournira l'exotique, je l'exporterai dans le QBC, Brooklyn, Bed-Stuy, même en Californie, à Miami. J'ai des connexions dans la petite Haïti, pour le meilleur prix, pour le biscuit, déjà cuit pour ses usagers. Vrai blanc font vraie chose, pas comme ton cynique. Vrai négro font vraie chose, pas comme ce corneille. Vrai blanc font vraie chose, j'exporte hydroponique. Vrai négro font vraie chose, n'importe la cocaïne. Vrai blanc font vraie chose, pas comme ton cynique. Vrai négro font vraie chose, pas comme ce corneille. Vrai blanc font vraie chose, j'exporte hydroponique. Vrai négro font vraie chose, n'importe la cocaïne. Comme Superman. Comme Superman. Comme Superman. Comme Superman.